Je suis content que quand même il y a des gens qui sont venus malgré le changement d'horaire, des journées plutôt, des jours plutôt que d'horaire. Et je vous rappelle qu'on va se revoir dans 2 semaines, mais à 15h et pas à 17h. Et qu'après, il y a encore une autre séance, je crois, le 8 avril, et une séance à déterminer en mai, j'espère. Donc, le 13 Oui, peut-être c'est indiqué sur le site, mais il faut que je pense que je ne peux pas le 13. Ah, je pense que ça ne va pas encore le déplacer. Donc, Et le 8, c'est le 8 salut, avril. Salut. Oui, peut-être. Le 25 mars, oui. Salut. Oui. Oui. 15h. Salut. Où ça? Salut. Le 25 mars, c'est quel ça? Salut. Non, mais deux fois. Et ben, donc, je pense à la fin du mois, j'aurai une réponse aussi si on peut continuer l'année prochaine au collège de philosophie. Ah. Donc, parce qu'évidemment, ici, on ne peut pas continuer. Je vais même renoncer, d'ailleurs, finalement, à poser ma candidature ici, même à l'école, pour différentes raisons, mais donc, c'est trop long. Donc, au moins ici, on aura avec aujourd'hui encore 4 fois. Donc, après, c'est terminé pour toujours. Hein. Très probablement. 4 fois. Mais non, ça fait que 3. Après aujourd'hui, ça fera 3. Oui, après aujourd'hui, avec aujourd'hui, je dis encore. 4. Oui, oui. On aurait dû nous donner cette salle tout de suite, mais. Oui. Elle est libre, je ne pense pas. Donc, d'abord, il y a des remarques encore sur ce qu'on a fait là, ou plutôt, comme je dis, je vais plutôt tenter de ne pas trop parler, de laisser un peu de temps à la fin, comme toujours, ou comme je me propose toujours. Donc, je voulais donc continuer l'exposition de la thématique du narcissisme en se concentrant aujourd'hui sur l'ouvrage d'Annie Roubert-Dufour, avec lequel, comme vous savez, j'aurais dû discuter il y a 2 semaines, mais j'ai dû renoncer à cause de notre engagement, donc ce serait peut-être pour novembre. Et donc, je veux dire, on va discuter avec lui aujourd'hui sans lui donner la possibilité de réplique, donc il va aussi essuyer donc, mes critiques ou nos critiques sans broncher. Parce qu'évidemment, si je trouve que c'est un auteur assez intéressant, assez important, évidemment, je veux tout de suite dire que ici, je n'en parle pas, évidemment, pour en faire nécessairement l'éloge ou pour dire que c'est un auteur qui a raison sur tout. Donc, je rappelle, de certaines manières, ici, dans notre approche, il y a pratiquement un auteur, donc, la catégorie des bases sert pratiquement comme structure d'ensemble, donc c'est quand même l'œuvre de Karl Marx, que reste quand même, je pense, effectivement la contribution la plus importante à la compréhension de la modernité. Et donc tous les autres auteurs qu'on examine ici, même si ils semblent très intéressants, comme Christophe Alèche, comme Dufour, comme Marcel Mauss, comme Karl Polanyi, comme beaucoup d'autres, sont quand même d'une certaine manière un peu ici jugés à l'aune, disons, de la critique de l'économie politique. Je vous rappelle ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on mesure tous les autres auteurs sur leur compatibilité ou pas avec la théorie de Marx. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas comme aux années 70 lorsque on refusait des gens à l'université parce qu'ils n'appliquaient pas la méthode marxiste. Ce n'est pas ça. Mais évidemment, on peut, c'est-à-dire, mon défi ici, c'est comme l'idée que la critique de l'économie politique, donc c'est-à-dire la centralité des catégories du travail abstrait, de la marchandise, de la valeur et d'argent, sont quand même une saisie, une conceptualisation de la forme centrale de la modernité et que les autres contributions, pour autant qu'elles soient, sont presque toujours défectueuses de ce point de vue-là, parce qu'elles n'en tournent pas assez compte, comme on va voir avec Dufour. Mais de l'autre côté, la critique de l'économie politique de Marx reste quand même un ouvrage assez fragmentaire. et en même temps a besoin également d'être, évidemment, d'être enrichi, d'être appliqué à l'époque contemporaine, et donc justement votre contribution dans le domaine de la sociologie, de la psychanalyse, de l'anthropologie, etc., justement, peut de certaine manière remplir, je le vois un peu comme ça, cette espèce de dessin, cette espèce de structure de base qui est donnée par la critique de l'économie politique marxienne. Donc, encore moins, donc si je propose certains auteurs, donc la prochaine fois, je pense, je voudrais aussi examiner certains sociologues contemporains comme Gilles Lipovetsky ou comme Alan Ehrenberg, comme Sigmund Bauman, ou peut-être encore prolonger un peu notre examen d'auteur néo-lacanien, peut-être à part Dufour, il y a d'autres qui sont dans une perspective plus strictement psychoanalytique, comme Jean-Pierre Lebrun ou Charles Melman. Ben, évidemment, j'ai dit que évidemment, je n'expose jamais ces auteurs pour les approuver de manière inconditionnelle, ou pour les mettre au même plan que, par exemple, que l'ouvrage de Marx. Et encore moins, je veux nécessairement me référer à leur arrière-plan théorique, par exemple, qui peut même parfois être assez discutable, parce que dans le cas de Christopher Lesch, comme nous avons vu, il y a d'un côté quand même une background vaguement religieux, protestant, mais de l'autre côté, une espèce de glorification du passé américain. Chez Dufour, comme chez Melman et d'autres, il y a une référence parfois, je trouve, plus que discutable à la version lacanienne de la psychanalyse. Et chez d'autres auteurs encore, donc nous allons examiner en futur, il y a quand même une sociologie du genre positiviste. Et donc, évidemment, donc ici, il ne s'agit pas donc de chercher, de puiser des vérités chez des auteurs, mais plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc c'est un peu ce que, sur les pages de l'international situationniste, on appelait, je crois, des recherches sans mode d'emploi, donc des recherches parcellaires, donc des résultats parfois très importants, mais auxquels manque toujours, de certaine manière, l'élément vraiment conceptuel qui peut placer le résultat dans les cadres. Et donc, c'est surtout le cas chez Daniel Robert Dufour. C'est un auteur, je crois qu'on avait déjà commencé à en parler la dernière fois. Peut-être certains d'entre vous ont aussi lu de ses ouvrages, donc il y a certains qui sont même parus en folio. Donc c'est un auteur assez foisonnant, d'ailleurs assez riche, parce qu'au même temps, dans ses références érudites à l'histoire de la pensée et dans ses recherches, dans ses références au présent, donc il peut passer facilement d'un texte de Rep à la philosophie de Pascal, donc de la fable des abeilles de Mondeville à la propagande politique contemporaine. Effectivement, je pense que le succès relatif, il y a quand même eu un certain succès du public Dufour, je pense que c'est aussi dû à cette capacité de jouer sur beaucoup de registres différents. C'est un auteur donc qui n'est pas ennuyeux à lire, parce qu'il passe rapidement d'un sujet à l'autre, après aussi du plus léger au plus conceptuel, et après il revient. En plus, il a un peu un style pas très linéaire, mais plutôt par cercle concentrique, auquel d'ailleurs je me sens même personnellement relativement proche. Mais justement, dans cette foisonnement, dans les idées, dans les détails, quand même ne doit pas cacher le fait, il y a quand même là aussi, je trouve, une conceptualisation assez défectueuse qui le porte finalement les conséquences très limitées. Donc surtout, donc toute sa critique aussi si corrosive de la modernité capitaliste finalement ne se limite exclusivement à la modernité néolibérale, donc vraiment aux dernières décennies, et donc et pas du tout aux catégories de base du capitalisme, mais que au contraire forme étonnamment plutôt une espèce de contraste positif. Donc la modernité chez Dufour, dans la modernité classique, la modernité donc qui pour lui se résume un peu dans l'idée de lumière d'Immanuel Kant et de Freud, de certaine manière opposée par lui à une espèce de dégénération seulement dans les dernières 40 années. Donc si maintenant donc, je veux un peu exposer le côté critique de ses recherches, je vais également critiquer sa critique justement par un caractère qui me semble trop limité. Et d'ailleurs, je vais me limiter ici essentiellement au livre Le Développement Marché, la révolution culturelle libérale. J'ai également lu autre deux de ce livre, L'art de Caspienne de tête, qui était précédent, et La cité perverse, qui était successif, qui sont un peu dans le même genre. Après, il a fait encore un ou deux livres après où il tente de passer maintenant au côté positif. Et comme toujours, lorsqu'on tente de positiver, comme on dit, donc ça défend très difficile, ou ça tombe même dans la naïveté. Je crois que c'est Jacques Frédé qui a le contraire, qui a lu son dernier livre, n'est-ce pas, Jacques? Oui, donc qui n'avait pas retenu une très bonne impression. Alors, pour dire quand même, voilà pourquoi je veux comme examiner donc cette l'approche du Dufour, parce qu'il est seulement deux côtés, je trouve vraiment intéressant aussi pour notre propos. D'un côté, lui, comme certains autres auteurs, d'inspiration psychoanalytique, aussi comme Hellman et d'autres, qui quand même est beaucoup plus limité, je trouve, il analyse une véritable rupture anthropologique. Donc il n'est pas question seulement de voir dans le capitalisme une société socialement injuste, ou il n'est pas question seulement de la propriété privée, des rapports de classe, ou par exemple de l'émancipation des classes subalternes et d'autres. Mais ici, il comprend vraiment que le capitalisme, et surtout dans sa phase la plus avancée, représente quand même une rupture avec certains fondements, même de presque toute culture humaine au monde depuis quelques décennies. Donc de ce côté-là, leur critique est vraiment radicale. Donc ils voient vraiment dans le capitalisme pas simplement l'ennemi d'une classe sociale particulière, ou pas simplement une injustice faite à un certain groupe de personnes, mais il voit dans le capitalisme une menace pour l'existence, d'une certaine manière, de l'humanité même, et pas seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan, disons, de l'organisation de la vie sociale elle-même. Et c'est du côté qui d'ailleurs est rarement pris en compte par la plupart des auteurs marxistes contemporains, et donc il reste toujours dans une perspective un peu de la distribution des bienfaits des fruits du développement capitaliste. Et je trouve comme intéressant que des auteurs comme Lesch et Dufour insistent beaucoup plus sur le fait que les fruits même de l'évolution capitaliste sont des fruits absolument empoisonnés. Donc il n'est pas seulement question de mieux les distribuer. Mais, justement, je vais insister beaucoup sur ça, cette rupture anthropologique ne la situe pas avec la naissance du capitalisme et essentiellement, disons, avec l'intronisation de l'argent comme but de la production et avec Descartes comme intronisation du sujet solipsiste. Mais au contraire, je trouve que leur vision est beaucoup trop limitée, parce qu'en vérité, ce n'est pour eux que l'esprit libéral qui commence dans les années 1920, qui commence à prédominer seulement dans les années 70, qui pour eux, de certaine manière, le malheur a commencé. L'autre côté très fort, justement, chez Dufour comme chez Lesch, c'est qu'il comprend comme très bien que la nouvelle servitude aujourd'hui avance sous forme d'une libération des anciennes contraintes. Donc là, effectivement, on peut dire vraiment que ce sont des auteurs qui ne sont pas dupes, qui nous aident à comprendre combien, donc, tout ce que c'est apparaissait comme un processus d'émancipation, surtout d'émancipation de l'individu par rapport à des contraintes traditionnelles, finalement, n'a préparé les conditions pour une autre forme encore plus difficile à saisir, donc de domination contemporaine, qui est exactement le marché et la séduction. Et ce qui d'ailleurs les porte justement souvent aussi à jeter un regard très critique exactement sur le même démon et instance d'émancipation, de libération avancée dans les dernières, au cours du XXe siècle, où elle se retrouve d'ailleurs avec des auteurs comme Jean-Claude Michéa, comme Boltanski et d'autres, qui justement ont un peu analysé cette espèce de dialectique perverse qui est un peu aussi ce que était aussi un peu le titre du dernier livre de Ivan Illich, qui s'appelle en latin, comment s'appelle, Corruptio optima pessima, donc ça veut dire c'est la corruption des meilleures choses qui donne finalement les résultats le pire. Et donc c'est évidemment aussi que c'est-à-dire un clivage assez polémique, parce qu'évidemment tous ces auteurs, évidemment souvent, sont très critiques envers certaines instances contemporaines qui se présentent comme des mondes de libération, par exemple par rapport à, dans le domaine de l'éducation, par exemple de se libérer de toute emprise de maître ou du four, par exemple, il est également très critique, par exemple, vers l'idée de du mariage ou de l'adoption homosexuelle. Mais on ne veut pas rentrer trop dans ces détails, comme je dis, je ne veux pas faire une course sur du four, je vais vous présenter certaines parties de sa pensée qui peuvent aider à construire une théorie contemporaine du narcissisme. Donc, ce livre est structuré en 10 chapitres, donc chaque chapitre a le titre d'une espèce de commandement, donc une espèce de parodie des 10 commandements bibliques. Et je pense donc, pour d'abord donner une idée de l'ensemble, je vais juste lire ce commandement avec quelques commentaires que lui-même, dans une interview, la liste que lui-même il a dressée de ce commandement. Alors, le premier commandement s'applique au rapport à soi et se formule ainsi : tu te laisseras conduire par l'égoïsme et tu entreras gentiment dans le troupeau de consommateurs, ce qui aboutit à la destruction de l'individu. Donc d'abord, ça effectivement, il insiste beaucoup sur cet aspect-là, sur l'espèce de faux individualisme de la modernité. Donc toute la postmodernité se présente comme une libération de l'individu, mais... Et où donc chacun est libre de suivre ses passions égoïstes, certainement dire donc c'est la vision de la société de Mandeville et de Adam Smith qui se réalise, mais donc le résultat final selon le fond n'est pas du tout un véritable individualisme, au contraire une espèce de d'esprit grégaire, des troupeaux où nous sommes encore plus que jamais manipulés par les instances du marché. D'ailleurs, souvent le livre de Dufour se lise comme une espèce de réponse inversée à des analyses comme l'analyse de Lipovetsky. Probablement, je pense qu'il y a d'autres sociologues du même domaine. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce sociologue. Ce livre, L'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain, est assez étonnant parce qu'il a été publié en 83. Il était vraiment prophétique, il faut le dire. C'était donc, comme nous en avons Internet, etc., donc il a effectivement déjà prévu cette espèce d'explosion d'une société personnalisée à la demande, extrêmement individualiste. Mais ce qui est drôle, que Lipovetsky, qui d'ailleurs continue à publier, je pense qu'il vient de publier un livre sur l'esthétisation du capitalisme il y a quelques mois, Lipovetsky, il en donne une vision complètement positive. Donc c'est certainement dire, il décrit tout cela d'une manière un peu répétitive, mais effectivement souvent avec beaucoup d'observations justes. Mais pour lui, donc, tout cela est merveilleux, donc ça veut dire qu'on rentre finalement dans l'époque de l'individualisme épanoui où chacun peut faire ce qu'il veut grâce à la publicité, grâce à la mode, grâce aux jeux vidéo, etc. Et tandis donc justement des auteurs comme Dufour, il donne toujours la même description de la société, évidemment, mais en fournissant une interprétation beaucoup plus sombre de ses conséquences. Et justement, ce qui est, j'insiste, ce qui est précieux, c'est du fou, il ne se limite pas à dire que le jeu vidéo rend violent ou que la publicité rend bête, etc. Parce que tout cela a été dit très souvent, ce n'est pas nouveau. Du fou, on insiste sur le fait que le mécanisme justement de la société postmoderne rentre en conflit avec certaines bases de pratiquement toute culture humaine au monde depuis des millénaires d'années, donc surtout donc, avec le respect de l'autre avec majuscule, avec le respect des barrières entre les générations et les sexes, et avec un certain esprit du limite, avec une certaine idée qu'il faut faire de la vie un renoncement originaire, donc qui est la psychanalyse et le renoncement à la mère, pour après, ensuite, construire la culture, justement, sur la base de cette espèce de renoncement primaire. Donc, nous avons déjà parlé plusieurs fois de cette théorie qui est aussi très importante pour Lech. Elle est également très importante pour Dufour. Et justement, donc, il accuse le capitalisme, justement, de certaines manières, d'avoir bradé cette base de la société humaine, donc d'avoir poussé les individus à croire que tous leurs désirs peuvent se réaliser immédiatement. Donc, et de remplacer le désir, donc l'attente et la symbolisation de quelque chose qui nous plaît avec une jouissance immédiate qui évidemment est finie pour être presque toujours une jouissance simplement marchande, une jouissance de marchandise, mais qui finalement pousse à la barbarie parce qu'elle crée des individus qui n'ont pratiquement plus incorporé aucune instance où elle existe l'autre personne, mais qui pratiquement ne connaissent que leur satisfaction immédiate. Voilà, justement, comme je dis, la critique de Dufour du capitalisme est une critique très radicale, parce qu'anthropologique, si on veut, mais en même temps, elle est aussi problématique, parce qu'elle semble toujours être juste à deux doigts d'une critique, d'une révalorisation des anciennes instances autoritaires et patriarcales, même si ils se défendent tout le temps contre cette reproche, mais ils se défendent évidemment parce qu'ils sentent qu'on peut très bien nous faire cette reproche. Alors, le second commandement vient au niveau du rapport à l'autre. Tu utiliseras l'autre comme une moyenne pour parvenir à tes fins. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'instrumentalisation de l'autre. Il dit donc, Dufour ajoute, soit une parfaite inversion de la seconde maxime contienne qui aboutit à la destruction de toute commandise ainsi. Donc, alors, dans cette espèce d'ajout, il y a deux références. D'abord, à la seconde maxime contienne qui dit traite toujours l'autre comme une moyenne et comme une fin et jamais comme une moyenne. Donc c'est un des fondements de l'éthique kantienne. Donc chaque être a sa dignité, un être humain ne peut jamais servir simplement comme une moyenne pour parvenir à d'autres fins. C'est aussi évidemment la raison pourquoi beaucoup d'éthique contemporaine donc, se base sur l'idée de Kant. Et lui, comme nous allons voir, donc, Dufour oppose systématiquement l'éthique contiennent son prolongement chez Freud à l'éthique de Mondeville et de Smith, donc c'est-à-dire à l'éthique libérale de la dérégulation complète. C'est une théorie intéressante, mais nous allons, qui déjà n'est pas très commun, mais nous allons compliquer encore plus les choses ici, parce que nous allons aussi critiquer cette référence du Fourienne à Kant, parce que justement, nous allons aussi nous rappeler du fait que des analyses qui a fait courte de la philosophie de Kant, pour laquelle la philosophie de Kant n'est pas une véritable philosophie de la liberté, parce que cette autonomie dont Kant veut investir les individus peut être autre qu'une intériorisation des contraintes capitalistes de liberté qui n'est pratiquement permis à ceux qui sont déjà devenus des sujets capitalistes complets et n'ont plus besoin d'un maître extérieur. Et un peu comme dans le panopticum de Bentham. Donc, on a déjà parlé de tout cela, si vous vous rappelez ici. Donc, c'est plus, donc maintenant, je ne veux pas, trop compliquer les choses tout de suite. Bon, je vais donc expliquer un peu les limites du fou. Après, justement, je veux encore tenter de faire limite, voir ses limites. Je pense que c'est justement sa référence à Kant qui démontre aussi les limites de l'approche du fou et son, sa vision, de certaine manière, je dirais presque naïve de la démocratie, de la politique et de Kant, justement de la modernité classique qu'il oppose à sa phase néolibérale, sans voir que la phase néolibérale, et donc c'est le triomphe d'Adam Smith, d'une certaine manière, n'est autre que la conséquence de la phase précédente du capitalisme, et même lorsque le capitalisme avait encore des prétentions éthiques de sens de Kant. Est-ce que c'est un peu plus clair? Peut-être va devenir clair à force de le répéter. Le troisième commandement correspond au rapport à l'autre, l'autre avec majuscule. Tu pourras vénérer toutes les idoles de ton choix pourvu que tu adores le Dieu suprême, le marché. Donc évidemment, c'est une critique de l'idée de la tolérance, c'est-à-dire c'est vrai aujourd'hui, il n'existe plus de position d'une religion, on n'aime même pas d'une idéologie, ni nationaliste ou autre, mais évidemment, pratiquement à personne, il n'est permis de se dérober au Dieu suprême, le marché. Et il ajoute ce qui aboutit au retour du religieux et à l'invention de la figure du pervers pourriteur. Donc, comme d'ailleurs Lesch aussi, Dufour insiste sur le fait que la religiosité du style New Age, pratiquement, n'est pas secondaire, mais joue un rôle assez central dans l'idéologie du marché. Le quatrième commandement a rapport au transcendantal. Tu ne fabriqueras pas de compte à soi visant à te soustraire à la mise en troupeau. Aussi, ici, alors, il veut évidemment se livrer à un jeu de mots exactement dans le style de Lacan, lorsque Lacan plaisante sur le nom du père, ce genre de choses. Le compte à soi, donc évidemment, il est écrit avec, comme le nom du philosophe, mais évidemment, il fait un jeu avec le mot avec le compte à soi, ça veut dire de rester évidemment dans ce, de garder son autonomie. Donc pour lui, donc ici pour Dufour, donc Kant est évidemment est le philosophe de la dignité individuelle, donc où la personne s'assume pratiquement comme caractère, comme personnalité éthique, qui pratiquement peut résister même à toutes les pressions extérieures de la société, du marché, etc. Parce qu'il a ces convictions éthiques qui sont plus fortes pratiquement de tous les avantages que par exemple qu'on lui promet. Et donc pour lui, donc je répète, pour Dufour, de certaines manières, donc pour ne pas être pour se soustraire à la mise en troupeau, donc pour ne pas être donc succombé à l'esprit grégaire, donc il faut faire une référence à la éthique kantienne. Ouais. Ici, comme je vais vous encore rappeler, ce n'est pas si facile que ça, parce que quand même, comme nous l'avons déjà vu au début de cette année, donc l'éthique kantienne est quand même quelque chose qui se base déjà sur l'absorption d'une vide, d'une absence de tout désir humain, de tout besoin humain. Nous avons vu que pour Kant, la véritable liberté consiste exactement dans le fait de ne rien désirer, de n'avoir besoin de rien. Alors, le cinquième commandement en rapport aux politiques, tu combattras tout gouvernement et tu prôneras la bonne gouvernance, ce qui aboutit à la destruction du politique ravalé à la somme des intérêts privés. Et si, évidemment, nous allons voir, il critique l'idée de gouvernance, une espèce d'administration simplement des intérêts privés, qui maintenant est devenue une des mots-clés, mais il lui oppose évidemment l'idée d'une gouvernement, c'est-à-dire d'une intervention politique consciente, là, évidemment, c'est aussi du point de vue de la critique de la valeur, certainement une faiblesse sur cette idée qu'il existe une politique qui ne fasse pas partie du monde de la valeur et de la marchandise et qui serait la sphère de la décision consciente. Le sixième commandement en rapport au savoir, tu offenseras tout maître en possession de t'éduquer, ce qui aboutit à la déconsidération de la transmission et au discrédit du pouvoir formateur des œuvres. Là, on va voir Il y a certaines des pages les plus fortes de son ouvrage, aussi parce qu'en plus il est professeur de sciences de l'éducation, donc c'est un domaine qu'il connaît plutôt bien. Et là, il démontre, en effet, d'une manière, je trouve, tout à fait convaincante, comment la critique de toute autorité dans la transmission du savoir et la critique du caractère, disons, classiste du savoir et du caractère répressif du savoir, critique, de, par exemple, qui a été exprimée par Bourdieu, par Foucault, finalement, selon Dufour, donc, amène essentiellement à une société où on n'apprend plus rien aux jeunes, pas seulement au sens d'un savoir comme connaissance, mais surtout on n'apprend plus aux jeunes pratiquement d'avoir une maîtrise d'elles-mêmes. Donc les jeunes restent de certaine manière proie à leur propre pulsion non maîtrisée, mais ce qui finalement n'est pas du tout une condition de liberté, mais signifie essentiellement de rester finalement en proie au marché et évidemment à tous les mécanismes de satisfaction immédiate de ces pulsions. Le septième commandement en rapport à la langue. Tu ignoreras la grammaire et tu barbariseras le vocabulaire. Ce qui aboutit à la création d'une nouvelle langue. Ici, il fait aussi référence explicite à l'ouvrage de Chaim Seprun, donc le traité des nouvelles langues. Et il s'apprend beaucoup à la conception de Pierre Bourdieu à nouveau. Le huitième commandement en rapport à la loi. Tu violeras les lois sans te faire prendre. Mais là, on peut dire que ce n'est pas une très grande nouveauté. Mais ce qui est plus intéressant, lorsqu'il analyse le fait de la prolifération du droit et de la procédure et la invalidation de toute forme possible de loi. Donc là, il analyse le fait que la loi, en tant qu'établissement d'une vérité, qui est certaine manière avec la majuscule, est toujours pratiquement considéré aujourd'hui quelque chose d'archaïque par rapport à une simple procédure, donc où le droit consiste en une transaction entre privés, où la seule chose importante et réside seulement dans la question, c'est la libre volonté de tout chacun à être respecté ou pas. Et donc, où évidemment, la loi n'a plus rien à voir avec une forme d'éthique et de morale, et pratiquement devient là aussi un marché. Nous avons déjà d'ailleurs évoqué déjà deux cas, le cas le plus extrême quand même caractéristique et les débats qu'on a même eu entre juristes, s'il est légitime de se faire manger par quelqu'un d'autre ou pas, ce qui évidemment est illégitime d'un point de vue lorsqu'on reste avec une idée d'éthique et de morale, mais ce qui est difficilement... peut difficilement éviter lorsqu'on reste dans une pure idée de... D'une simple contrat entre privés. Et de l'autre côté, exemple plus, d'autre mon semble plus amusant, qu'il reproduit d'ailleurs même dans son livre un exemple d'un contrat qu'on peut le conclure les étudiants dans le campus américain avant d'avoir un rapport sexuel où il détermine exactement ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on ne va pas faire pour éviter toute plainte pour harcèlement ou pour viol. Et qui également est un exemple un peu caricatural de cette extrême réduction pratiquement de toutes les transactions humaines à la procédure et à des contrats qui effectivement est quelque chose que nous pouvons observer tous les jours. Le neuvième commandement en rapport à l'art, tu enfonceras indéfiniment la porte déjà ouverte par Duchamp, ce qui aboutit à la transformation de la négativité de l'art en une comédie de la subversion. Là aussi, ce sont des pages très fortes qui d'ailleurs mériteraient d'ailleurs d'être développées davantage. Donc, comme d'ailleurs Duchamp, surtout toutes les tendances artistiques qu'on dérive, d'une certaine manière, sont effectivement une comédie de la subversion, donc qui ont ravaler toute possibilité d'une art sublime et qui participe à cette espèce de relativisation totale contemporaine. Le dixième commandement résume en vérité un peu tout le livre, le dernier chapitre, il a rapport à l'inconscient. Tu libéreras tes pulsions et tu chercheras une jouissance sans limite. Ce qui aboutit à la destruction d'une économie du désir et son remplacement par une économie de la jouissance. Donc après, je vais de prendre un peu cette opposition entre désir et jouissance qui évidemment a un rôle assez central dans ces considérations. Et, alors, donc évidemment ici dans notre cours parle de narcissisme dans son titre. Buffon n'utilise presque jamais le mot narcissisme. Je pense que c'est peut-être par une espèce de rivalité mimétique, comme disait René Girard avec Christopher Lesch. En effet, tout de suite au début de son livre, il liquide Lesch assez rapidement en disant que Lesch oublie que la société actuelle comporte un manque de narcissisme primaire d'amour de soi. Et donc, Dufour explique pourquoi il préfère le terme d'égoïsme à un terme comme individualisme ou narcissisme. Et Dufour utilise surtout le concept d'égoïsme grégaire, donc un égoïsme qui finalement reste quand même absolument dans le troupeau. Et donc je pense qu'il évacue le mot justement narcissisme pour se distinguer d'autres traités. Et c'est un peu dommage parce que justement la grande force, je trouve, du livre de Lesch est justement qu'il n'identifie pas le narcissisme avec l'égoïsme, avec l'amour de soi, mais également avec son contraire. Si vous vous rappelez les séances consacrées à Lesch, justement, je pense qu'il y a une grande force dialectique de Lesch, même s'il ne se réclame pas explicitement de la dialectique. Parce que pour Lesch, donc le narcissisme est surtout le déni de la séparation originaire. Ce déni peut toujours prendre des formes opposées. Donc ce déni de l'angoisse qui dérive de la séparation originaire peut s'exprimer dans l'égoïsme et dans la domination, dans la volonté par exemple, de dominer la nature et donc aussi dans la technologie et dans toute forme d'agressivité, de militarisme, etc. Mais donc cette même angoisse peut aussi prendre la forme opposée, par exemple le désir d'une unité fusionnelle, par exemple avec la nature, dans le mysticisme, dans certaines formes d'écologisme, ou dans des formes culturelles, ou pratiquement dans des expressions culturelles, comme la musique techno, ou comme la drogue, etc., où également les limites entre le moi et le non-moi s'effacent. Et justement, j'approuve la force de Lesch, c'est de retrouver le narcissisme à la racine des attitudes qui sont apparemment opposées entre elles. Tandis que ce n'est pas le cas de Dufour, que je dis que d'une manière, je trouve peut-être un peu plus superficiel, pratiquement se limite au concept d'égoïsme. Tandis que Lipovetsky, comme je le répète, on peut-être va parler la prochaine fois, lui, il utilise le terme narcissisme, il est aussi une des premières lectures françaises du livre de Lesch, mais lui, il le fait avec une espèce de jubilation qui est impressionnante, parce que pour lui, donc, c'est vrai, c'est merveilleux, donc maintenant chacun fait tout ce qu'il veut, donc maintenant nous sommes finalement arrivés dans une époque du bonheur collectif, donc... Mais il est vrai que parfois, justement, dans cette espèce de jubilation, il peut dire justement beaucoup de choses qui, en vérité, d'autres n'osent même pas dire. Donc, par exemple, lorsque dans un autre livre qui n'est pas mauvais, qui s'appelle, je parle de Lipovetsky, qui s'appelle L'Empire de l'éphémère sur la mode, il pense de faire l'éloge de la mode en disant que la mode, c'est comme la démocratie. Sans évidemment, c'est même pas à percevoir, indirectement, il dit exactement aussi le contraire, que la démocratie postmoderne, en vérité, n'est autre chose que comme une mode, donc évidemment, une effet, donc justement des choix pseudo-individuels. Alors, un peu à la base de toute l'idée du four est le concept des néothénies. Je crois que nous avons déjà parlé l'autre fois, donc je ne vais pas arrêter trop longtemps. Donc l'idée que l'être, confirmée par la biologie, évidemment que l'idée que l'être humain naît trop tôt, donc avec un degré de développement extrêmement immaturé, même par rapport à d'autres, même par rapport aux grands singes. La conséquence est que la culture est la nature de l'homme. Donc, c'est pas du faux qu'on vantait cette idée qu'elle elle existe déjà aussi dans les écrits au monde tardif de Freud. Elle existe d'une manière un peu différente chez l'anthropologue allemand, philosophe allemand un peu connu en France, Arnold Gehlen, qui d'ailleurs en a tiré des conséquences plutôt conservatrices. Et donc, quand même, Dufour a consacré à cette idée un livre entier. On achève bien les hommes. Donc, pour faire très bref, justement, l'idée, c'est essentiellement que l'être humain, donc justement, a besoin absolument de sa culture. L'être humain n'a pas une nature qui n'attend qu'à se développer. Donc, l'être humain n'est pas du tout parfait. Donc, si on veut, c'est un anti-rousseauvisme absolu. Donc, l'être humain n'est pas porteur d'une espèce de. N'est pas déjà en soi tout ce qu'il lui faut pour se développer. L'être humain a absolument besoin d'être corrigé et éduqué par d'autres. Donc voilà pourquoi, par exemple, une éducation, on va voir plus tard chez Dufour, ne peut jamais simplement signifier d'aider l'élève à développer ce qu'il a déjà dans son intérieur, comme disent beaucoup de théories de l'éducation. Donc pour Dufour, il y a toujours cette idée que l'être humain en tant que tel est extrêmement imparfait et que les différentes créations culturelles font partie de la nature de l'homme. Donc il ne pourrait pas vivre sans un certain élément fondamental de toute création culturelle. Et, comme il dit ailleurs, parmi donc justement cette espèce de base culturelle qui est pour l'être humain tout aussi important que sa base biologique, il y a par exemple la défense de l'inceste, et donc ça veut aussi dire le respect de la barrière entre les générations et entre le sexe. Donc ce fait donc effectivement confirmé par toutes les études anthropologiques, donc qu'il existe donc certaines l'obligation pour l'être humain de diriger donc aussi ses désirs sexuels pas vers son entourage immédiat mais vers d'autres personnes, et normalement aussi hors de sa famille, hors de sa consanguinité, qui cherche justement de instaurer ce que les anthropologues appellent le commerce, l'échange de femmes, donc qui fait aussi communiquer les différents groupes humains entre eux. Donc tout cela, c'est pour Dufour donc une espèce donc des bases de l'être humain tout aussi important que sa base biologique. Donc la culture ne peut pas être opposée à la nature biologique. Donc l'être humain a absolument besoin d'être complété par une éducation. Et par, justement, et cette éducation a surtout donc la fonction de limiter ou de détourner, peut-être il faut dire, de détourner ce fonctionne, les désirs spontanés de l'enfant. Les désirs spontanés, que, comme nous avons souvent dit, en reprenant la psychoanalyse, des désirs originaires qui ne disparaissent jamais complètement, les désirs, par exemple, de fusionner avec notre origine d'une manière ou de l'autre nous accompagnent toute la vie, mais justement, toute la culture humaine tente à nouveau à plus. Pendant toute notre vie, de diriger ces désirs originaires vers d'autres voies plus constructives, qui sont surtout donc justement la voie constructrice de la construction d'une culture. Et justement, vous vous souvenez, c'est aussi évidemment pour le noyau de la théorie de Gustav Aleschke. Et justement, Dufour justement, accuse la culture, surtout néolibérale, la culture marchande, le marché, de certaine manière, de mettre en danger justement exactement cette basement culturel sans lequel l'être humain ne peut pas vivre. Il n'accuse pas simplement la culture marchande d'attaquer un certain type de culture ou d'une autre, mais d'attaquer les bases même de ce qui fait pratiquement que l'être humain est un être humain. Et donc, on risque aussi donc, de déclencher des processus de barbarisation. Donc, ça veut, donc, là aussi, évidemment, il y a chez Dufour, comme chez Lèche, donc aussi une polémique contre toute une tendance, disons, on pourrait dire anti-autoritaire dans la gauche, pour laquelle l'intervention du père et de toute le successeur du père, donc de l'éducation, de l'État, etc., sont toujours négatifs parce qu'ils brimeraient une espèce de créativité ou de épanouissement originaire de l'être humain. Donc, comme je dis, l'Esch, comme du faux, il ne partage pas du tout ce point de vue. Il admet qu'il existe évidemment une partie de répression non nécessaire, qui est exactement ce que Marcuse, si vous vous souvenez, appelle la sur-répression, mais il insiste sur le fait qu'il y a une autre partie nécessaire, inévitable, de répression, donc au sens positif, de répression, donc de tendances spontanées de l'enfant, qui ne sont pas seulement de l'enfant, parce qu'ils ont tendance à revenir pendant toute la vie. Donc l'être humain, donc dit Dufour, a anthropologiquement besoin d'un grand sujet, d'un grand autre. Même si ces figures changent historiquement, le totem, la physis, dieu, roi, peuple, race, nation, prolétariat, ce sont toujours le fond, le masque changeant de cette figure du grand autre. Et si une idole ne sert plus, on le tue et on crée une autre, en pouvant même se croyant athée. Donc, c'est-à-dire, même dans une société officiellement athée ou sans religion, il existe toujours quelques grands sujets, quelques autres. Par exemple dans, ça pouvait par exemple être l'idée du prolétariat, par exemple, dans les sociétés soviétiques. Et justement, comme Edman, comme cette école, on insiste sur le fait qu'avec la société du marché, pour la première fois, de manière entreprise, cette expérience extrêmement dangereuse de bâtir une société où il n'y a plus une autre, il n'y a pas une figure, une grande autre, un sujet qui aide de manière l'être humain à se structurer, parce que l'être humain est pratiquement dans une situation de liberté apparente, totale de choisir. Où pratiquement c'est le marché et ce sont les objets à consommer qui maintenant se trouvent là où avant existait cette espèce de grand sujet avec lequel on rentrait dans un rapport conflictuel, mais qui aidait aussi le petit sujet à savoir qui il était, qu'est-ce qu'il voulait. Justement, c'était aussi la répression paternelle dans cette perspective qui aidait le sujet donc à dévoyer leur désir vers d'autres choses et par exemple de trouver des gratifications substitutives qui pouvaient finalement faire la véritable richesse de l'être humain, par exemple dans tout ce qui est création culturelle ou qui est travail, qui est création quotidienne de son milieu. Et justement, ce mécanisme risque de se perdre complètement, dit Dufour, dans une société où pratiquement tout, où il n'a plus un désir toujours de quelque chose d'absent, mais il y a toujours une jouissance immédiate de la consommation d'une marchandise, et où l'individu donc ne se structure plus face à une absence, mais toujours face à une présence, mais une présence qui passe tout de suite pour être remplacée par une autre présence. Alors, l'homme a besoin d'un maître, dit Dufour, et selon Kant, c'est le maître qui permet de soumettre l'homme aux lois de l'humanité, parce que l'homme ne porte pas en lui-même déjà les lois de l'humanité, mais qu'il doit les élaborer, il doit aussi les élaborer normalement à un âge tendre. Ici, évidemment, nous sommes sur une crête assez subtile, parce que la figure du maître évidemment évoque d'abord l'idée d'une répression, d'une limitation de la liberté, d'une répression. Et en effet, il faut dire longtemps, avoir le besoin d'un maître, ça voulait dire effectivement de l'assujettissement. Mais il dit la cèse transcendantale a cassé l'assujettissement. Il montre que le maître est là pour le dépasser et pour accéder à l'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ascèse transcendantale? C'est évidemment une référence toujours à son cher Immanuel Kant. Donc ça veut dire justement Kant a justement dit que la lumière c'est la sortie de l'être humain de son de sa minorité et d'accéder à l'autonomie. Donc ça veut dire justement que l'être humain qui a intériorisé l'exigence éthique, comme celle que j'avais citée avant, surtout le fait de considérer l'autre toujours comme une moyenne, comme une femme, jamais comme une moyenne. Et la première, le premier impératif catégorique de Kant, c'est de toujours, vous rappeler, c'est de toujours agir de manière que ton agir pourrait servir de règle générale pour l'humanité. Donc, c'est-à-dire c'est la universalisation possible de ton propre agir. Donc, de ne pas comporter de telle manière que tu ne voudrais pas que l'autre se comporte à ton égard. Alors, justement, Kant, dans l'interprétation qu'il donne du four, pratiquement a aboli le vieux maître extérieur, Dieu, le prêtre, le roi, etc., répressif, et a permis pratiquement à l'être humain d'intérioriser son propre le maître, d'accéder ensuite à l'autonomie, parce que maintenant il doit faire le compte avec soi-même, donc il n'a plus le policier ou le prêtre qui lui dit fais ça, mais maintenant il est en dialogue avec sa conscience, et donc, évidemment, différent par rapport au régime répressif, mais aussi différent par rapport au régime libéral, où il n'y a pas une conscience intérieure, il n'y a pas une éthique intériorisée, parce qu'on ne fait autre que suivre ses pulsions. C'est évidemment, oui, on peut dire les trois façons différentes comment on peut se poser face à une pulsion. Évidemment, tu peux... Si tu as envie de prendre le portefeuille de ton voisin, tu peux y renoncer parce que tu sais qu'on va te pendre si on te prend, donc c'est un régime répressif. Tu peux simplement le faire en tentant de ne pas être vu, évidemment, la solution libérale. Ou justement, tu peux, même si tu es sûr qu'on ne va pas te prendre, tu peux y renoncer parce que tu respectes, parce que un respect de l'autre, parce que toi, tu ne voudrais pas que l'autre le fasse. Envers toi. Ici, je répète, une limite du four s'identifie tout à fait avec l'éthique qu'on tient, qui en vérité peut être critiquée. Je répète, déjà peu à l'époque, peu après sa formulation, déjà Hegel avait démontré qu'en vérité cette éthique n'est pas si abstraite et universelle comme elle prétend. Macron fait rentrer, par exemple, beaucoup de présupposé tacite, par exemple le respect de la propriété privée, justement. Mais souvent, nous avons aussi vu que, vu surtout les critiques qu'a fait Robert Kurz de l'éthique kantienne, qui en vérité est une éthique qui pratiquement, où on accède à la liberté seulement après avoir démontré qu'on est un bon travailleur, qu'on réprime toutes ses propres pulsions, etc. Donc c'est une espèce de liberté de l'esclave qui n'a plus besoin d'un maître, justement parce que maintenant, il fait tout spontanément. Vous vous souvenez aussi, par exemple, il y a un passage peu connu de Kant où il dit justement que la liberté du sujet, c'est Kant même qui le compare à une espèce de tourne-broche qui était chargée mécaniquement, qu'une fois qu'on l'a chargée, donc il va pratiquement tourner tout seul. D'ailleurs, j'ai vu moi-même effectivement cet engin dans le château de Chambord, de Chenonceau, donc ça m'avait assez impressionné de voir que ça existait vraiment au XVIIIe siècle, cette espèce de mécanisme. Et donc effectivement, c'est vrai que je pense qu'une bonne partie de la critique de Kurz est vraie, qu'on a parfois l'impression, si des gens qui font toujours l'éloge de Kant, comme du fou, on se demande s'ils ont vraiment lu tout le texte de Kant à l'égard. Où effectivement il dit par exemple on doit respecter, vous vous souvenez, la loi parce que c'est la loi, sans avoir aucun plaisir, même si c'est contre ses propres intérêts, même si c'est contre la conservation de la vie, on doit respecter la loi parce que c'est la loi. Et c'est même presque coupable de si cela amène aussi un plaisir direct. Alors, donc justement, c'était une parenthèse pour dire que justement, les limites de l'approche de Dufour, on les voit aussi dans son interprétation trop positive de la éthique kantienne. Donc, donc je vais peut-être sortir certains passages, par exemple sur le fait que quand même, aussi peu sur l'arrière-plan de Dufour et d'autres auteurs comme Elman, il y a cette idée que ce qui est vraiment, d'une certaine manière, humain, et c'est le symbolique et c'est la représentation. Donc le fait que nous n'accédons jamais directement aux objets, mais toujours à travers une représentation. C'est là le fait vraiment culturel. Et voilà aussi pourquoi nous n'accédons jamais directement à l'objet de notre désir, qui se déplace toujours. Et c'est justement ce qui nous fait courir et qui nous fait aussi construire une vie, qui nous fait investir dans des objets, quelque chose qui nous fait aussi éprouver du plaisir et de la douleur. Tandis, et c'est là justement la logique du désir qui là aussi. Lacan insiste beaucoup, moi je ne suis pas expert justement sur cette nature, de certaine manière toujours insaisissable du désir, à partir du premier désir que nous devons régner, le désir de la mère, il y a toujours une espèce de course après un désir qui n'est jamais là. Je pense qu'il explique cela, comment ça s'appelle ce jeu où elle fait toujours déplacer une case, mais il reste toujours une case vide. Là ? Oui, mais je pense justement cela. Et tandis justement ce que ces auteurs reprochent à la société du marché, qu'au contraire, au lieu du symbolique et de la représentation, il y a l'objet, la présentation directe. Donc l'objet est là directement, donc pratiquement plus sans aucune médiation symbolique. Donc les choses sont celles qu'elles sont et rien d'autre. Et donc il porte une jouissance immédiate, mais qui pratiquement ne connaît plus de sublimation, qui ne connaît pratiquement plus d'élaboration symbolique, et donc où il n'a pratiquement plus la médiation de l'autre, donc d'une religion, d'une idéologie, d'une pensée, etc. Et même à l'intérieur du langage, Melman, par exemple, fait cette réflexion très intéressante. Il dit, certes, puisque le français tend à devenir plus iconique que verbal, l'image ne fonctionne plus comme représentation, mais comme présentation, une langue exacte, c'est-à-dire à se référer chaque fois à l'objet précis, un mot, une chose qui réunit les internautes. Justement, on sait justement... Que le langage poétique est évidemment par excellence un langage, justement, évidemment, le langage du symbolique, où évidemment on joue sur les différentes significations du mot, sur les métaphores et les métonymies, et où les choses renvoient toujours à quelque chose d'autre, et qu'on sait que le langage poétique est le contraire du langage fonctionnel moderne, justement, où chaque mot pratiquement doit surtout éviter toute ambiguïté, où les mots ne doivent pas être métaphoriques, où pratiquement les mots ont de manière très positive, pratiquement ont la même fonction comme un simple signe pour indiquer quelque chose d'exact et rien d'autre. Alors, donc, pour aller un peu plus vite, donc, je dis, alors, du faux, donc, on insiste donc, sur cette formation égo-grégaire, donc, il refuse l'idée vraiment que la société postmoderne soit une société des individus, donc, au contraire, donc il y a moins d'individualisme que jamais, mais cette formation égo-grégaire est quelque chose de nouveau, il dit, ça dépasse ce que dit Freud dans la psychologie collective et analyse du moi, et dépasse ce que dit Sartre sur le conformisme dans la critique de la raison historique. Parce que pour Freud, la foule se forme toujours autour d'un chef, d'une personne qui représente le moi idéal de chacun dans la foule, qui relie les membres de la foule. C'est l'analyse classique de Freud. Et Freud n'évoque que vaguement une autre possibilité qu'aujourd'hui est la réalité, c'est une foule sans chef et où le moi idéal est représenté par des satisfactions soutenues par le troupeau en commun. où il y a des agrégations des êtres humains autour, par exemple, d'une marque. Dans le cas plus classique, par exemple, une marque de vêtements ou une certaine type de musique ou une équipe de football, etc. Où donc il n'y a pas une chef, mais la communauté, ces structures donc autour de cette autour d'un objet qu'on désire en commun. Comme par exemple, l'exemple que j'avais lu dans le livre No Logo de Naomi Klein, par exemple, d'un groupe de rap qui, à certains moments, par exemple, avait demandé à tous dans le public qui avaient des chaussures Adidas de les agiter. Donc, presque dans une grande partie de l'auditoire a commencé à agiter des chaussures Adidas, donc, parce qu'ils se reconnaissaient tous dans cette. Dans cette marque, évidemment, donc, le groupe de rap a eu tout de suite un contrat très bien payé avec la marque. Et j'avais repensé à cet épisode quand j'avais lu, je ne sais pas si j'ai raconté l'interview d'une journaliste italienne qui avait été séquestrée pendant des mois en Syrie par un groupe islamiste l'année dernière. Qui racontait une chose assez semblable, que même ces ravisseurs islamistes qu'on imagine hors de la société de consommation, là, la chose qui les intéressait davantage, c'était les chaînes de télévision et les chaussures Adidas. C'est vrai qu'apparemment, justement, c'est que l'islamisme peut encore paraître justement une forme classique justement de la foule centrée autour d'une chef ou au moins autour d'une idéologie clairement reconnaissable. Même dans ces milieux-là, c'est l'objet qui avance pratiquement au lieu des personnes. Là aussi, donc, je peux encore aussi vous lire un autre passage de Melman. Comme je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Là, c'est vraiment un psychoanalyste pratiquant. D'ailleurs, je pense assez âgé, qui a publié plusieurs livres dans les dernières années, qui c'est moins intéressant que Dufour, je trouve. C'est d'abord, c'est comme plus lié à la pratique psychoanalytique. C'est quand même parfois, ça prend vraiment des tournures réactionnaires, disons. Là aussi, il y a des observations assez fortes. Par exemple, justement, il dit que il n'y a plus de pilote dans l'avion où nous sommes tous embarqués. À sa place, dans le fauteuil, et c'est bien rassurant, il y a l'objet. C'est l'objet qui, après le dieu à figure animale, puis humaine, est advenu. C'est lui qui est investi de l'autorité de notre actuelle troisième phase. Mais, monsieur, évidemment, il n'aurait pas dû dire objet, mais marchandise. Alors, Dufour, il parle de l'exposition précoce aux images télévisuelles, donc qui n'est pas, évidemment, qui ne pousse pas seulement à la violence, etc., comme on a souvent dit, mais en général qui cause une misère symbolique, qui c'est elle qui explique les actes désespérés. Parce que justement, tandis que aussi que la TV ne change pas seulement le comportement de surface, mais les conditions même de la subjectivation et du rapport à soi. Elle affaiblit la famille et ajoute une famille virtuelle. Donc cela a été dit très souvent, mais ça veut dire, tandis que la famille classique était justement centrée autour de la figure du père ou de manière des parents qui défendaient autant de formes de faire des choses, et donc justement qui créait le désir justement à travers les défenses, tandis qu'évidemment la télévision introduit de la plus tendre âge dans un autre régime où tout désir est immédiatement satisfait au monde d'une manière virtuelle. Donc, pratiquement il ne reste jamais rien à désirer parce que tous au monde, donc au moment en tant qu'image, arrive immédiatement. Alors, je saute aussi quelque autre partie. Alors, parce que justement, là, ce changement de la structure familiale classique, donc ça veut dire qu'il faut un effondrement postmoderne de deux références symboliques fondatrices par lesquelles se réglaient les nuages oedipiennes, identifiés par Freud, comme étant au cœur du procès civilisationnel. Donc, ça veut dire le respect, donc. évidemment de la prohibition de l'inceste, de la barrière entre les générations et le sexe. Donc, je crois que je l'ai déjà dit, on a beaucoup discuté sur la universalité ou pas de la structure oedipienne. Il est vrai qu'il existe des cultures où le père biologique n'est pas du tout le même rôle comme dans la société patriarcale que nous connaissons. Mais ce n'est pas important, de toute manière, on ne connaît, je pense, on n'a jamais découvert une société où il n'y a pas une interdiction de l'inceste, où il n'y a pas une figure masculine, que ce soit le père biologique ou que ce soit le frère de la mère ou quelqu'un d'autre, qui interdit, donc qui empêche à l'enfant ses premiers désirs donc, et qui le dirige vers d'autres rivages. Donc là, effectivement, c'est peut-être une des rares choses qu'on peut vraiment dire que ce soit universel pour l'être humain, qui se retrouve partout. Et justement, selon Dufour et Melman et ses auteurs, donc, notre société contemporaine joue vraiment avec le feu, d'une certaine manière, en voulant briser ces tabous au nom de la liberté, mais essentiellement surtout parce que cela, d'une certaine manière, aide à la consommation. Parce qu'évidemment, l'idée de ne pas devoir respecter les tabous le plus fondamental de l'être humain, après, c'est lié à une idée plus générale de ne pas respecter des limites en général. Et évidemment, la personne qui ne respecte aucune limite est le consommateur idéal, donc qui ne se nie rien. Alors, Dufour affirme qu'il y a une augmentation de l'inceste et du viol dans le fond, en tant que déni de la différence générationnelle. Là, elle ne cite pas de source, je ne sais pas, je pense que c'est toujours un vieux débat si cela est vrai ou simplement s'il y a davantage de dénonciations qu'avant. Mais il est vrai, comme dit Melman, en revanche, que ceux qui touchent leurs enfants ne comprennent pas pourquoi accepter des limites dans une économie où tout pousse à la jouissance. C'est effectivement vrai qu'aujourd'hui, apparemment, tout est permis, donc c'est difficile d'expliquer à certaines personnes pourquoi, au contraire, certaines choses qui, en plus, avant étaient tolérées, maintenant ne sont plus du tout acceptées. Et là aussi, on est plus dans la contractualisation, que c'est un peu la chose que j'avais dit. Par exemple, aujourd'hui, c'est très fort aussi cette idée de l'âge, non? À partir du moment où vous avez 18 ans exactement, vous pouvez disposer de votre corps, peut-être même vous faire manger, jusqu'à cet âge-là. Si simplement quelqu'un vous touche, il peut aller en prison pour ça. Donc, sur une base, comme je dis, liée en plus à l'âge vraiment de naissance, donc sur une base extrêmement, si on ne veut pas éthique, mais vraiment liée à une idée très bureaucratique, disons, c'est une idée vraiment. Alors, justement, donc, évidemment, dans les sociétés pré-postmodernes, donc, il y avait toujours des désirs interdits, donc plus classiquement, donc, le premier désir interdit, le désir pour la mère. Mais justement, on devait y renoncer, on n'était pas encouragé. Au contraire, toutes les cultures classiques on peut même dire tirer une grande partie de leur énergie du fait de canaliser ce premier désir vers d'autres objectifs, d'ailleurs plus ou moins heureux, parce que souvent il ne s'agit pas d'en faire l'éloge, que très souvent, par exemple, ces premières frustrations de l'enfant étaient ensuite évidemment dirigées vers des constructions de guerre, d'agressivité, etc. Mais de toute manière, donc, toute l'éducation traditionnelle, évidemment, s'est basée sur le fait, évidemment, d'enseigner, donc d'imposer une espèce de maîtrise de soi aux enfants. Comme je dis, elle n'était pas toujours justifiée, mais de toute manière, au moins une partie, elle était indispensable. C'est justement la différence dont nous avons parlé entre repression et surrépression. Donc, vous vous souvenez de cette distinction chez Marcuse, donc, cette partie de répression qui doit exister en toute éducation, pratiquement, si on veut devenir un être humain, et cette partie ajoutée, pas nécessaire, qui pratiquement est due seulement à la perpétuation d'une société autoritaire et répressive. Et vous vous souvenez donc aussi, donc, que justement Marcuse accusait Freud de ne pas faire cette différence et justifier toute forme de répression comme le prix nécessaire que l'être humain doit payer pour être, vivre dans une culture. Et Marcuse voulait faire des distinctions entre la partie inévitable, par exemple la propriété par exemple, du petit enfant qui quand même doit apprendre d'aller sur les potes, même si on dit que c'est une très grande violence pour lui. Et cette autre partie des violences, c'est la surrépression qui, par exemple, ne serait pas nécessaire. Donc, bon. De certaine manière, du coup, elle reprend aussi cette distinction entre répression et surrépression. Mais justement, il arrive 30 ans après Eros et civilisation de Marcuse, presque 50 ans après. Et justement, on a vu des tentatives malheureuses justement d'encourager la révolte contre la surrépression qui souvent n'était pas... Les révoltes ne sont pas justifiées. Par exemple, Dufour s'en prend avec certains psychoanalystes deleuziennes qui encouragent justement leurs patients, particulièrement justement à réaliser tous leurs désirs et pratiquement ne pas accepter aucune forme d'imposition de l'extérieur. Justement, donc, ces tentatives de ne pas accepter cette espèce de limitation originaire du four la voix dans, par exemple, dans les désirs de changer de sexe. Donc, évidemment, en sens biologique. Donc, évidemment, une chose qu'on peut culturellement, évidemment, se sentir une femme, un homme peut évidemment se prendre tous les éléments des vêtements, etc., d'une femme. Mais, par exemple, tu ne peux pas jamais échapper biologiquement à ton destin biologique d'être homme ou femme, dit Dufour. Je crois que c'est aussi là qu'il est intervenu dans un débat à la télévision, je pense que vous avez vu, non? Dufour? Oui. Oui, mais je voulais dire derrière. Il avait beaucoup d'invités. On sent qu'il n'a pas eu le temps de développer ses thèses. Ben. Et il était grosso modo en question, c'était le mariage pour tout, l'adoption par les couples homosexuels. On sentait que pour le coup, il se posait des questions. Oui, d'accord. Mais il n'a pas eu le temps de développer sur l'argumentation. Oui, donc là, par exemple, il fait une argumentation intéressante. Il dit, par exemple, évidemment, on peut aussi faire une opération, on peut aussi se faire couper un organe, ajouter un autre organe, mais il suffit de faire un examen du sang génétique, et là, tu restes toujours avec tes chromosomes XX ou XY. Là, tu ne peux jamais changer ça, donc tu ne peux jamais vraiment changer de sexe. Donc, par exemple, tu es toujours marqué dès naissance, à part une toute minuscule proportion d'androgynes, qui sont en vérité le 0,1%. Donc, en vérité, tu as cette limite, par exemple, biologique, tu es un homme et une femme, évidemment, tu peux culturellement, par exemple, en jouer avec les signes extérieurs, tu peux te comporter comme l'autre sexe, etc., mais tu ne peux pas, par exemple, échapper dans ces cas-là, par exemple, à une certaine structure biologique. Et justement, la culture moderne, par exemple, la culture postmoderne, par exemple, encourage les individus, là comme ailleurs, à penser que pratiquement, tout est à négocier, tout est à disposition, et tu peux aussi, par exemple, éviter donc, ton destin de naissance d'être homme ou femme. Mais ça, c'est la théorie du genre. Ouais. Les études sur le genre, parce qu'il paraît que la théorie n'existe pas. Ouais. On pourrait passer au-delà des déterminations biologiques. On pourrait choisir son sexe et changer de sexe. C'est la théorie du genre, fortement discutée en matière. Les études sur le genre. Oui, mais justement, ça, maintenant, le discours risque d'être grand. Moi, je trouve toujours, c'est très bizarre, que l'homme, l'être humain, veut absolument intervenir sur sa base biologique plutôt que sur les conditions culturelles ou sociales qui, elles, au contraire, sont effectivement donc, à la disposition de l'être humain. C'est comme la procréation médicalement assistée. On peut adopter des enfants, on l'a toujours fait. Pourquoi il faut absolument ajouter à cela donc, l'idée donc, d'avoir des enfants biologiques, donc si évidemment on n'a pas le moyen de le faire. Et ici, de manière très générale, on peut dire que je trouve que c'est même une des caractéristiques de la société capitaliste, elle préfère de casser les gènes et les atomes plutôt que de changer sa propre structure sociale. Il semble que la nature, même dans ce qu'elle est vraiment des plus basiques, doit être nécessaire. D'être éventuellement tout refait, mais que les choses qui sont vraiment des créations humaines et culturelles, elles ne sont absolument pas discutables. Donc, elles restent... En tant que jeu social, pour rappeler un truc intéressant, dans l'opéra japonais, tous les acteurs hommes jouent un rôle de femme. Dans l'opéra chinois, c'est l'inverse. Oh, ouais. C'est un jeu. Ouais. L'opéra, un jeu. C'est-à-dire que ça permet un certain fantasme de... C'est comme ça, c'est depuis ouais. plusieurs siècles. Alors, je voudrais peut-être un peu avancer avec mon exposé parce que je sais que ces thèmes sont très controverses. Et si on commence à discuter, on finira, on ne terminera plus peut-être. Mais justement, je pense. Alors, il faut insister seulement sur le fait que justement toute, disons, l'éducation de l'être humain, toute culture, qu'on est justement dans le fait d'admettre certaines limites et après, pas de les accepter passivement, mais après de faire quelque chose avec la situation qui naît de l'acceptation de ces limites. Et c'est exactement aussi ce que dit Lège. Et par exemple, dans les domaines que nous avons évoqués, on peut par exemple beaucoup changer les attributions sociales et culturelles du fait d'être homme et femme. Là, c'est possible. Ce que fait plutôt donc surtout la culture libérale et la culture du narcissisme, c'est au contraire d'encourager les individus pratiquement de toujours penser toute leur vie que tout est possible, qu'ils peuvent même pratiquement abolir toutes les limites naturelles, que ce soit le fait de naître homme ou femme, ou que ce soit les limites naturelles par exemple de la au sens écologique, donc au sens de la terre, au sens de l'utilisation des ressources, ou que ce soit la limite, par exemple, imposée au fait que nous ne pouvons pas tout faire dans la vie. Par exemple, avant, c'était évident qu'on avait plus ou moins un métier ou deux, une résidence ou deux. Aujourd'hui, beaucoup d'individus souffrent du fait qu'ils ne réussissent pas à épuiser tous les choix possibles dans leur vie. Donc, beaucoup d'individus épuisent dans la tentative d'être tous en même temps, c'est encore souvent encore pire pour les femmes. Beaucoup de femmes veulent être en même temps des mères parfaites, des travailleuses parfaites, avoir une vie personnelle épanouie, peut-être encore voyager, etc. Donc beaucoup d'individus courent tout leur temps après. Donc la tentative pratiquement justement d'avoir une vie illimitée. C'est la propagande marchande. Oui, exactement. La propagande marchande, tu dis toujours, toi, tu peux tout faire. Si tu ne réussis pas, c'est ta faute. Donc, c'est ton pis pour toi. Vous vous souvenez, la dernière fois, je dis pourquoi cette espèce de surmoi archaïque de jouissance est beaucoup plus répressif que l'ancienne surmoi qui, au moment, était extérieure. On disait, toi, tu ne dois pas toucher à la femme ou l'homme de l'autre, mais au moment, c'était quelque chose d'autre. Tandis que le surmoi de la consommation dit toujours, toi, tu pouvais tout faire dans la vie, tu pouvais t'amuser comme une fou, mais si au contraire, tu es toujours là, déprimé et seul devant ta télé, ça veut dire que c'est ta faute, parce que c'est toi que tu es paresseux et que tu ne t'es pas engagé assez. Alors, je voulais encore, parce que je ne voulais pas revenir la prochaine fois du faux, dire rapidement quelque chose à... Alors, c'est intéressant lorsqu'il dit que la sortie du religieux, donc à partir du 17e siècle, était suivie par une nouvelle divinité, le marché. Donc, c'est une analyse que nous avons déjà faite. Et il s'arrête assez longuement sur l'œuvre d'Adam Smith, qui était aussi théologicienne, et qui insistait que le marché est justement une forme de providence divine. Donc cette idée centrale d'Adam Smith, que la main invisible du marché va régler tout pour le mieux si on la laisse faire sans intervenir, est justement en vérité une idée extrêmement religieuse, c'est une forme laïque de la providence divine. Donc le capitalisme donc, provient de la métaphysique, n'est pas son contraire, dit Dufour, et là au moins une fois, effectivement, comme je dirais, d'accord avec la critique de la valeur. Mais il ne l'est pas lorsque, là aussi, il oppose Kant à Smith, parce qu'il dit que pour Smith, comme d'une manière plus extrême pour Mondeville, donc nous avons parlé l'année dernière, il n'existe pratiquement aucune morale, et donc il faut laisser faire le plus possible, et comme ça on aura la solution meilleure pour tous. Tandis que, selon Dufour, Kant est au contraire, donc c'est contemporain de Smith, et au contraire, évidemment l'apologète de la régulation, de la, parce que les deux, d'ailleurs, Kant et Smith, ils se réfèrent tous les deux à l'ouvrage de Newton, du physicien. Ils veulent appliquer les règles de la science de Newton à la vie sociale. Et l'intérêt égoïste de Smith joue le même rôle que l'attraction dans la théologie scientifique de Newton. Donc, c'est on dit évidemment que c'est l'attraction, c'est la force de gravité pour Newton qui fait que tout, chaque objet garde à sa place dans l'univers. Et la même chose, c'est l'intérêt personnel de chacun pour Smith qui fait évidemment qu'il y a une harmonie du tout. Et donc pour Smith, il faut déréguler le plus possible pour que le dessin des vides se réalise. Et pour Kant, au contraire, il faut réguler justement afin que le dessin divin se réalise. Et donc, ce serait aussi l'origine de l'interventionnisme étatique. Après Dufour, et là, je ne le suis plus, lorsqu'il dit toute la modernité était un équilibre entre ces deux tendances, et la dérégulation et la régulation entre Kant et Smith, tandis que l'époque néolibérale, cet équilibre s'est cassé, c'est la dérégulation morale, politique et économique qui finalement a gagné complètement. Et là aussi, pas seulement par la faute des réactionnaires déclarés, mais donc, par exemple des auteurs classés à gauche comme Foucault, par exemple avec son plus ou moins éloge de la folie, par exemple, ont également contribué à la diffusion de l'esprit de dérégulation. Et donc voilà aussi parce que Foucault, par exemple, est aussi assez prisé par une certaine droite. Je crois il y a notamment, je pense, un ex-président du MEDEF, donc qui était, je pense, un dirigeant du MEDEF, qui était un élève et ami proche de Foucault. Et donc nous ne sommes aucunement sortis de la religion parce que le marché est une religion. Nous sommes simplement sortis pas de la transcendance, mais du transcendantal de Kant et de Freud, de la raison et de lumière. Et à la religion du marché s'accompagne une néo-religion genre New Age. Plus il est facile de voir que même les grandes religions, comme la religion catholique, se sont souvent adaptées beaucoup, par exemple, à des religions de genre New Age. Par exemple, au Brésil, j'ai vu, par exemple, la diffusion des sectes protestantes, mais c'est un autre discours, mais c'est assez curieux de voir, les rituels de ces, ce ne sont pas des sectes, ce sont des grandes églises, donc ils font des messes avec des milliers de personnes extrêmement centrées donc sur le côté matériel, et donc ils font une espèce de rituel extatique où les gens qui sont en général des pauvres, c'est classiquement des femmes de ménage, donc ils sont même invités à agiter leur livret de travail, et donc normalement ce qu'ils demandent à Jésus c'est du travail ou d'une voiture. Et donc, mais en même temps, par exemple au moins au Brésil, la même église catholique a repris après la même technique, donc une forte spectacularisation de la religion. Et au moins, en Europe, de certaines manières, même le pape, de certaines manières, s'est partiellement inspiré de cette spectacularisation. Là, au moins, c'est une reproche qu'on ne pouvait pas faire à Ratzinger, qui est donné dans le spectaculaire, non? Donc, il fait une critique intéressante de Deleuze, Dufour, donc pour Deleuze, donc, toute identité était paranoïaque. Il faut casser le signifiant despotique, disait Deleuze. Dit Dufour, donc finalement, donc en vérité, là, Deleuze était plutôt un précurseur du libéralisme extrême pour lequel toute identité est nocive, parce qu'il faut inventer du nouveau tout le temps. En effet, le nouveau capitalisme n'aime pas les sujets propriétaires d'eux-mêmes, n'aime pas les gens qui ont quelques qualités trop particulières, qui veulent rester dans un endroit, ou avec une famille, ou avec un métier. Il dit faut que les schizos de Deleuze et les sujets idéaux du marché, comme le hacker et le raider de la bourse. De certaine manière, Deleuze voulait aller plus vite que le capitalisme même, et il introduit le langage de l'économie dans l'analyse des processus symboliques même. Mais là aussi, je pense que il ne se serait pas fait seulement des amis du fou avec cette analyse, étant donné le, l'état de presque sanctification qu'a Deleuze chez beaucoup de gens, peut-être pas ici, mais dans d'autres milieux. Et moi, je vais noter, entre observation entre parenthèses, je l'avais écrit dans le Crédit à mort, que ce jeu qui était assez à la mode il y a quelques années, Second Life, semblait une réalisation impressionnante effectivement du sujet deleusien, donc un sujet qui n'a pratiquement qui n'a aucune qualité intrinsèque, qui ne connaît aucune barrière, qui peut voler, qui peut se déplacer, qui ne meurt jamais, qui ne tombe pas malade, qui n'est même pas un sexe au début et qui doit tout acheter d'ailleurs, donc pratiquement pour toutes ses qualités, qui après donc, est libre de changer pratiquement toute son identité, toutes ses caractéristiques et même son sexe tout le temps. Ce jeu-là, parce que une fois qu'on me l'a démontré, me semblait effectivement extrêmement caractéristique de la postmodernité, mais finalement, les gens se sont lassés assez vite et maintenant, peut-être, on ne parle même plus depuis quelques années. Alors, par rapport justement à au schizo de Deleuze, qui semblait très révolutionnaire, mais le Salon du Four était simplement une anticipation sur le libéralisme débridé, Dufour, au contraire, il recommande même de se tenir à la névrose classique qui au moins implique une structure d'aliénation à l'autre figurant l'origine. Parce qu'il a clairement cette idée d'une absence, une idée de quelque chose avec lequel il faut se mesurer, tandis que le marché ne fonctionne qu'au présent et ne fournit pas dans la fiction ce qui manque dans le réel des hommes. Donc justement, tandis que pour Dufour, c'est la culture, ce sont les grands récits, c'est la littérature, c'est la religion, etc., que justement, qui remplissent cette lacune originaire dans l'être humain qui, en dernière analyse, est la conséquence de sa néothénie. Tandis que le marché, justement, ne correspond pas à ce besoin originaire, à ce besoin d'avoir une origine. Le marché ne vient plus compléter la nature dans ce qu'elle n'a pas accompli. Donc, il n'a plus une culture, le marché n'est pas une culture qui complète la nature. Au contraire, avec les petits sujets, il n'y a que des petits récits, il y a l'affirmation de la singularité de chacun, et même face aux grands sujets, là je trouve cette affirmation assez intéressante, même face aux grands sujets de notre époque, les petits sujets ne cherchent que son portrait. Et là, il cite par exemple Duchamp lorsqu'il dit « ce sont les regardeurs qui font le tableau ». Donc aujourd'hui, même les petits sujets, ils ne cherchent pas l'élévation ou d'apprendre quelque chose en face du grand sujet, mais ils le mesurent donc à sa propre personnalité. Et dans le domaine culturel, effectivement, c'est très visible. Donc aujourd'hui, donc là, j'ai soutenu beaucoup de discussions, même au plan personnel, normalement, chacun pense qu'il est libre pratiquement de dire que Michel-Ange ne me plaît pas trop, je préfère le manga. Donc c'était simplement, donc c'est là le petit sujet dans ce sens-là, pratiquement qui voit simplement dans le grand sujet, donc ce qu'on aurait appelé le grand sujet, ne voit pratiquement son miroir ou pas son miroir. Là, il y a une espèce d'inversion culturelle, à laquelle d'ailleurs moi aussi j'avais fait allusion dans le Crédit à mort. Avant, c'était en général ce que tu apprécies donner la mesure de ce que tu valais, au moins selon un certain modèle culturel. Si tu étais capable, je ne sais pas, d'apprécier la musique classique, ça veut dire que tu es une personne cultivée, si tu n'écoutais que des chansonnettes, au contraire, donc ça voulait dire qu'évidemment tu n'avais pas de goût raffiné. C'est évidemment une chose très classiste, mais il y avait comme l'idée qu'il y a les œuvres, qu'à partir des œuvres, qu'on juge le consommateur. Aujourd'hui, en général, c'est tout le contraire. Donc, en général, évidemment, aujourd'hui, cette idée passe pour être très, très répressive ou très classiste ou d'autres. Justement, c'est toute l'école de Bourdieu qui nous a démontré qu'il n'existe pas de valeurs culturelles, mais que la culture est simplement l'expression d'une culture classiste. Et donc, au contraire, donc aujourd'hui, donc pratiquement même toutes les œuvres du passé sont simplement mises en espèce, disons, un référendum parmi les regardeurs. Et donc, il est donc bien possible que Lebec va rapporter beaucoup plus de voeux que Homer, par exemple. Et on pense que simplement donc, que cela doit être respecté parce que cela pratiquement est une procédure démocratique qui ne présuppose pas qu'il y a des valeurs culturelles déjà établies. Dans l'étude des textes au collège ou au lycée, tous les textes sont mis sur le même plan. Ouais, tout se vaut. Oui, exactement. Mais donc, justement, parmi les pages les plus fortes du Dufour est la critique du système éducationnel. Évidemment, je pense même que Dufour ne nie pas le fait que ces critères traditionnels peuvent parfois être très discutables, très classistes et parfois assez injustes, parce qu'on est imposé selon un canon, peut-être même avec des auteurs que ne les méritent pas trop. Hein. Mais. Sauf qu'aujourd'hui, on conteste, ce n'est pas le canon en tant que tel. Par exemple, c'est sûr, par exemple, le féministe avait sûrement raison de dire qu'il y avait beaucoup d'auteurs, de femmes du passé qui n'ont pas eu la reconnaissance due. Mais ici, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ne veut pas changer le canon, mais on veut simplement casser l'idée même qu'il existe, par exemple, différentes valeurs, qu'il existe, par exemple, auteurs qui ont une grande contribution à donner pour cette éducation des genres humains, par exemple pour la maîtrise de soi et pour trouver une expression de ses passions. Aujourd'hui, il y a souvent un relativisme total, donc qui nie l'idée même qu'il peut y avoir certaines, par exemple, certaines expressions culturelles plus importantes que les autres. Oui, mais il y a quelque chose, peut-être que je vais parler plus tard, une critique Bourdieu. Pour avoir été pionnier de l'économie du langage et du symbolisme. Oui, c'est exactement ce qu'il critique. Oui, justement, donc le fait de rabasser le symbolique à une simple question de marché, une simple question d'économie. En effet, ces auteurs parlent toujours d'économie. En effet, moi, j'ajouterai un exemple typique de ces petits sujets qui posent toujours soi-même avec sa structure spontanée comme seul paramètre. C'est par exemple, sur le blog, sur Facebook, etc., en général, il n'y a que deux catégories, j'aime, j'aime pas. Donc il n'y a aucune forme d'argumentation, etc. On dit simplement qu'on aime, on n'aime même pas. Il n'y a pas j'aime pas, il y a juste j'aime. Non, il existe aussi j'aime pas, mais tout, mais on ne dit même pas que... Non, mais il y a Oui. Non, vous avez raison. Ouais, c'est moi qui ai raison, il n'y a pas, j'aime pas. Non. Moi, je l'ai vu, ça dépend peut-être. Des points, peut-être. Ah, je voulais proposer ça, mais ils n'ont pas mis. Non, j'ai vu, pas souvent, en tout cas, des rares fois, j'ai vu, on voit par exemple des genres 10, j'aime pas, et 520, j'aime. Oui. Oui. Oui. Sur YouTube ou sur d'autres choses. Oui, peut-être, c'est ça. Oui, peut-être. Ça arrive, c'est rien. Oui. Peut-être sur YouTube, on dit on j'aime ou j'aime pas. Mais... YouTube, c'est... Oui. Facebook, il n'y a pas. Il n'y a pas que j'aime. Donc là aussi, et donc on est tout le temps seulement dans une espèce de hit parade donc, qui se base exclusivement justement sur le marché, donc, c'est-à-dire sur le succès, sur les ventes ou sur les clics remportés. Et après, évidemment, ça porte tous les jours à des discussions, surtout dans le domaine culturel. On sait, par exemple, que l'opéra, par exemple, est extrêmement déficitaire, coûte très cher à l'erreur, et on trouve toujours plus de difficultés de financer une art qui passe en général pour être très élitiste, par exemple, par rapport à d'autres expressions, pour, évidemment, qui attirent beaucoup plus de public. Mais justement, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Évidemment, on ne tente pas du tout à défendre une espèce de différence qualitative entre l'opéra et des bandes dessinées, mais je ne sais pas, on distribue des billets gratuits dans les zones spéciales pour attirer tout le monde à visiter une fois dans la ville l'opéra, donc pour démontrer par exemple que c'est pour tout le monde. On ferme les salles aussi. On ferme les salles aussi. Oui, là c'est l'autre chose, justement, c'est ça. Ah donc, pour terminer, peut-être que je ne vais même pas terminer, par exemple, justement, le chapitre sur l'éducation. Donc, Dufour dit que en critiquant la figure du maître, les philosophes postmodernes ont aidé le déferlement du marché. Ça commence avec Foucault, Bourdieu a un rôle, et ses élèves ont un rôle essentiel. Parce que, évidemment, les institutions modernes ont aussi un côté répressif, mais je dis, Dufour, on ne peut pas le réduire à ça. Ils ont aussi ouvert à la pensée critique et à l'imagination transcendantale. Mais les critiques de l'école ont vanté le laisser-faire pédagogique, donc là aussi l'équivalent de laisser-faire dans le marché. Dufour trouve une véritable haine de la culture chez Bourdieu et Barthes, mais qui reste paradoxalement encore dit de manière cultivée, différemment des adolescents d'aujourd'hui. Mais il dit Dufour que Jean-Claire comprend plus par rapport au tag, au graffiti, que le sociologue de l'école de Bourdieu. Non, alors, ce qu'il présente, alors il dit, là c'est intéressant, donc le véritable but de l'école devrait être de permettre aux jeunes de contrôler leur passion. Alors là, Dufour critique des pédagogues, des politiciens de droite qui souvent disent « Ah, l'école doit nouvellement apprendre les règles aux jeunes. » Donc là, c'est un argument classique de la droite. Dufour dit « Ce n'est pas ça, l'école ne doit pas être imposer des règles de l'extérieur, mais il doit apprendre aux jeunes à faire un travail sur soi-même. C'est là la fonction classique de l'éducation. Et Dufour écrit « La bourde des philosophes postmodernes fut de croire que les petits sujets auraient parfaitement pu s'en sortir tout seuls si, toutefois, les institutions et les grands signifiants despotiques n'avaient pas entrepris de l'aliéner. » Et donc, au nom donc, de la critique du grand signifiant, donc finalement, on a enfermé les gens dans la prison du petit égo pâtissant de ses pulsions. Et donc, parce que dans la passion, donc, on est passif. Et donc, finalement, donc, on est simplement à la traîne de tous ces désirs. Et au lieu d'apprendre aussi à renvoyer, par exemple, de la satisfaction de ses pulsions, par exemple, et d'en faire les meilleurs usages, donc évidemment, l'école maintenant, on cite les jeunes à trouver intolérable toute attente, toute non-satisfaction, mais justement que finalement, ce n'est pas du tout une condition de liberté, parce que presque toute cette satisfaction des pulsions arrive exactement sous fond, évidemment, d'une consommation de marchandises. Et là où cela n'est pas possible, ça, évidemment, ça peut rapidement devenir des actes de barbarie, par exemple le nombreux aussi actes de violence ou de viol collectif ou d'autres qui passent surtout justement là où évidemment toute éducation a fait faillite, sont justement le fait des personnes qui n'ont jamais pratiquement appris de certaines manières à maîtriser leurs propres pulsions. Cela évidemment ne veut pas dire, je pense même pas peu du faux, que toute manière de maîtriser ces pulsions est positive. Évidemment, on a énormément abusé de cette maîtrise dans le passé, on a imposé énormément de choses absurdes aux gens. Et la réponse ne peut pas être, évidemment, du faux, de nier toute utilité d'une maîtrise et de dire aux gens, aux jeunes, qu'ils sont déjà parfaits dans leur état spontané et en fait, ils n'ont plus rien à apprendre. Par exemple, une amie à moi qui est professeur au lycée, une fois, elle a reçu une visite de l'inspecteur, et à la fin, l'inspecteur lui a dit « Vous avez tué la vie en classe. » C'est évidemment parce qu'il a quand même enseigné quelque chose, il n'a pas simplement, évidemment, poussé le genre à exprimer spontanément peut-être leur opinion, exprimer leur goût personnel. Donc, l'élève, oui, doit critiquer ce qui est transmis, mais si rien n'est transmis, il n'a aussi rien à critiquer. Donc, observation, je pense, assez juste. Et maintenant, il n'y a plus de maîtrise des passions, et on est plutôt fier de son étourdissement, et en général, aujourd'hui, chacun est fier de ce qu'il est. Donc, c'est l'époque, dit aussi Dufour, l'époque justement de la pride, pas seulement du gay pride, mais en général, chacun est fier de ce qu'il est, de ce qu'il se trouve être, sans l'idée, qu'évidemment, il ne faut pas toujours se mépriser, mais quand même, jusqu'à l'époque récente, on voyait en général l'essentiel de la vie humaine dans la tentative de s'améliorer, de devenir quelque chose en plus. On choisissait quelque idéal, on voulait quand même aller au-delà de ce qu'on avait dans l'immédiat. Tandis que évidemment, la culture contemporaine, il faut encourager les gens exactement de se fixer dans leur état immédiat, de se trouver déjà parfait et de passer la vie évidemment dans une série de jouissances marchandes immédiates. Dans l'Antiquité, la musique, la danse, la poésie et la grammaire enseignent la maîtrise du soi et l'harmonie. Donc, on s'en est transformé la passion, le cri en expression, transposer la démesure en mesure. Et on peut dire que même beaucoup de formes de révolte, même des révoltes assez radicales, par exemple comme le surréaliste et le situationniste, je ajouterai, étaient quand même des formes qu'on peut maîtriser, même d'exprimer même son refus et sa révolte, étaient comme exprimés d'une manière assez, si on veut méditer, aussi avec beaucoup de références à d'autres formes de culture, avec d'autres formes déjà passées de révolte. Voilà aussi pourquoi il y a toute une filiation entre dadaïste, surréaliste, situationniste, etc. C'était quand même très différent, par exemple, à la révolte des banlieues, comme dernièrement aussi à Londres ou avant à Paris, qui, selon Dufour, sont simplement une guerre entre des jeunes indomptés, pratiquement qui n'ont jamais appris à rien maîtriser, et l'idée des cultures en tant que telles. Oui, je sais que c'est sûr que Dufour, évidemment, se serait fait violemment attaquer, probablement, peut-être pas par vous, mais par beaucoup d'autres gens. Hein. Et en plus, la discussion est toujours la même. On va toujours le répliquer. Ah, vous ne comprenez pas que les rap ou les tag, etc., sont également des formes culturelles, également structurées, également avec leur propre langage. Et simplement, on ne peut pas réduire l'expression de la culture simplement aux formes déjà codifiées. Et là, justement, c'est une espèce de débat, évidemment, infini. Et évidemment, il n'existe pas, justement, c'est la particularité du jugement esthétique, on ne peut pas démontrer d'une manière logique que, par exemple, il y a une différence entre une composition de Beethoven et d'une rap, mais évidemment, si on reste dans l'idée d'une abolition de toute différence qualitative, en vérité, on n'arrive pas du tout dans une démocratie où tous les goûts sont mis au même niveau, comme prétend justement une critique à la Bourdieu, mais on arrive en vérité à la loi des plus forts, c'est-à-dire des plus forts dans les marchés. Donc ceux qui simplement peuvent porter plus loin leur production, ceux qui peuvent évidemment occuper toutes les chaînes radio, tous les sites internet, finalement vont imposer leur goût aux autres, et à des personnes qui n'ont même pas l'occasion vraiment d'entendre quelque chose d'autre. Et là aussi, on revient aussi à la question de l'éducation, justement. Et il ne faut aucune éducation, par exemple, pour apprécier une musique rock, une musique techno, parce que c'est comme, il suffit de certaine manière d'avoir une corde qui sent des vibrations pour pouvoir évidemment prouver une espèce d'excitation physique. Tandis, pour apprécier par exemple de la musique classique, il faut une éducation, et en général une éducation qui commence assez tôt, et qui commence en général même sans toujours demander l'assentiment de l'enfant. Parce que en général, elle doit même commencer à un âge où l'enfant n'est pas vraiment en état de juger. Mais évidemment, dans une perspective d'une éducation complètement libérale, et donc on ne faudrait pas forcer l'enfant à rien, je pense qu'il serait difficile de trouver un enfant qui préférerait le solfège à voir des bandes dessinées à la télévision. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Je ne suis pas sûre qu'on soit obligé de comprendre la musique pour la sentir. Comprendre-le ? De la comprendre pour la ressentir. Même si on comprend autrement. Bah, ça dépend évidemment aussi du degré de compréhension. Oui. Mais après, Oui, c'est la même question que j'ai aussi évoquée d'ailleurs toujours dans le Crédit Amour, c'est la question du goût. Je trouve extrêmement intéressante cette question sur les saveurs. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre là. Donc là, il. Oui, mais donc c'est fait que, évidemment, les goûts aussi, le goût vraiment en sens de saveur est une question d'éducation. Et l'enfant, spontanément, n'aime que le sucré, le sucré et après le salé. Et si on ne lui impose rien d'autre, il ne veut rien d'autre. Donc voilà pour les goûts typiques des McDonald's, les goûts infantiles sucrés et salés. Tandis que la mère est un goût que l'enfant refuse spontanément. Donc il faut lui faire apprendre peu à peu la mère. Oui. Oui. Tu jugeras après. Oui, mais la chose intéressante, c'est que la mère, là, il suffit une 20 millième partie d'une goutte de la mère dans un verre d'eau est déjà sensible. Tandis que normalement, il faut une goutte entière, par exemple, de sucré pour être sensible. Donc, ça veut aussi dire que le goût est quelque chose d'infiniment plus nuancé, aussi plus malléable. De certaines manières, on peut donc dire quelque chose de beaucoup plus culturel, donc quelque chose qui permet donc aussi une variation beaucoup plus forte. Par exemple, justement, toute la culture du fromage, du vin, du thé, c'est basé justement sur les nuances infinies du goût de la mer. Mais si l'enfant n'est pas, de certaine manière, poussé, on impose, de certaine manière, déjà, à un tendre âge de parfois de goûter à la mer, il ne va jamais le faire spontanément. Et donc, voilà, par exemple, le consommateur moderne, justement, est typiquement quelqu'un qui n'aime pas le goût de la mer. Oui, mais on ne peut même pas mettre en message langage. Musique, olfactif, etc. C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais on arrive à des degrés un peu différents. Mais le goût, c'est même pas pareil que. C'est même pas pareil que l'odorat, ni que le tactile, ni même que l'auditif, ni même que le langage naturel, qui se réfère même à pas mal de choses pratiques. Et symbolique. Toutes les formes de communication ne peuvent pas être mises dans le même sac. Et d'ailleurs, ce que vous disiez, au niveau. Il faut tout de même voir, c'est pas seulement être. Qu'est-ce que veut dire comprendre? Là, tout le mot comprendre. Est-ce que c'est consommer? Est-ce que c'est agréable à entendre? Est-ce que c'est comprendre comment c'est fait, etc. Tout ça, il faudrait bien penser. Le truc est la différence, je pense, ce qu'il y a en commun, c'est le fait que l'être humain donc, a absolument besoin, d'une certaine manière, d'une espèce d'éducation, d'une culture que lui vient de l'extérieur pour développer ce qu'autrement il ne trouverait pas. D'ailleurs, le mérite du four, c'est de mettre ça sur la table. Ouais. Même si on n'est pas forcément d'accord avec lui. Ouais. En général, c'est pas très fréquent de nos jours. C'est l'emploi du mot jouissance quand même qui est, je sais pas, un peu gênant. Parce que s'il y avait véritablement jouissance dans la consommation, pourquoi courrait-on tout le temps? On s'arrête à l'objet. Ouais. Donc il y a bien, en fait, c'est une fausse jouissance. Ouais. C'est une frustration ouais. qui pousse encore vers une autre consommation. Donc en fait, le mot jouissance est quand même un peu embêtant. Parce que la jouissance, elle trouve son accomplissement, satisfaction entière, et on s'y arrête. Je crois que chez ces auteurs, la jouissance n'a pas un sens qualitatif. C'est vraiment une espèce de stimulation momentanée, donc la satisfaction oui, immédiate. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs sens aussi. Oui. Et ça, on a l'air de dire que c'est une société voilà, qui court après le plaisir et qui l'obtient. Ouais. Mais c'est pas vrai, justement, c'est que tout ça est faux. C'est la propagande. C'est... Oui, c'est pour ça. Mais oui, non, mais il faudrait, je sais pas, insister davantage sur les frustrations engendrées, les faux, les objets fallacieux, la merde qui est vendue, elle a ce nom, enfin, c'est rien d'autre. L'objet là, qu'on convoite, on l'a chez soi, on ouvre le paquet, c'est horrible la plupart du temps. C'est... donc. Ça reste un stade infantile, c'est le narcissisme. Ben oui, on reste un stade infantile, donc le mot jouissance. Oui. Qu'est-ce qu'il a développé ? C'est sur l'école dans d'autres livres ? Ou c'est juste dans un chapitre aussi ? Non, surtout dans un autre livre qui s'appelle, je crois. Oui, l'art de réduire les têtes, là surtout, donc il s'étend plus longuement sur la question de l'école. Donc ce qui, d'une certaine manière, donc du faux, donc nous voit dans un moment historique où, de certaine manière, donc Mondeville finalement donc l'a reporté sur Freud, donc l'idée d'un déchaînement illimité des passions, et donc et avec l'espoir que cela va porter à une espèce d'état parfait, donc finalement l'a reporté donc sur l'idée de Freud et de Kant qu'il faut au contraire dès le début opérer une, comme disait Lacanienne, une soustraction de jouissance, donc une espèce d'auto-limitation. Alors, ce que. Donc, justement, alors. Donc, il faut. Donc, justement, il critique aussi les psychoanalystes contemporains, en général, croient trop que leur conscient est une espèce d'extraterritorialité, donc quelque chose qui reste toujours égal. En vérité, il faut le changement dans les autres économies humaines, donc l'économie marchande, contribue aussi à une redéfinition de l'inconscient. Donc ici, d'une certaine manière, il rencontre Marcuse, comme vous vous rappelez, Marcuse aussi avait exprimé l'espoir que l'inconscient même peut changer, et donc on n'est pas toujours dans ce domaine de la nécessité qui parlait Freud, parce que pour Marcuse, ce changement de l'inconscient était quelque chose qu'il attendait avec espoir, il espérait un changement positif. Tandis que, d'une certaine manière, 5 ans plus tard, donc, du fou, au contraire, il constate que cette espèce de. Cette mutation de l'inconscient a vraiment lieu, mais dans un sens tout à fait négatif, donc dans un sens d'un appauvrissement, et surtout, même dans un sens d'une espèce peut-être d'une abolition même de l'inconscient. Donc là aussi, on trouve le même chez Melman. Il dit par exemple dans la Grèce archaïque existait une inconscient qui était immédiatement visible, pas refoulée. Il est par exemple en effet par exemple dans les poèmes homériques, par exemple souvent par exemple Ulysse par exemple il entend des voix qui lui parlent, donc c'est par exemple lorsque le dieu lui parle. On peut évidemment dire que c'est son inconscient, mais son inconscient est directement présent, donc comme quelque chose d'externe. Il existe d'ailleurs aussi d'autres interprétations de ce fait-là. Donc le refoulement donc, serait d'une certaine manière quelque chose de plus typiquement moderne et surtout aussi européenne. Donc ce serait peut-être la force et la faiblesse de la culture européenne, surtout le refoulement de la répulsion sexuelle, d'en faire une espèce de continent sombre. Et déjà, Lacan avait dit que peut-être les Japonais n'ont pas d'inconscient, au moins pas dans le sens européen. Là, je ne peux pas en juger. Mais donc, justement, on peut quand même comme dire, à la fin du XXe siècle, d'une certaine manière, donc, la partie refoulée de l'être humain s'est beaucoup réduite, d'une certaine manière, parce qu'évidemment, aussi à cause de la psychanalyse même, mais aussi, surtout, de son exploitation des pulsions inconscientes, évidemment, à la fin commerciale, il y a peu de choses en nous-mêmes qui nous restent, d'une certaine manière, étrangères. Donc, comme c'est tout maintenant à la lumière. Mais cela veut aussi dire, d'une certaine manière, que nous n'avons presque plus de répondre, hein, presque plus de zone d'ombre, donc, d'une certaine manière, où les choses, où on peut, où notre intérieur peut se reposer. C'est un peu l'idée qu'on trouve d'ailleurs chez cet autre auteur, Melman, lorsqu'il dit, d'une certaine manière, que. On dit, face au progrès remarquable de la science, l'existence de l'inconscient est sûrement un refuge pour l'humanité. Mais justement, aujourd'hui, l'inconscient, d'une certaine manière, est beaucoup moins étendu probablement qu'à l'époque de Freud. Mais justement, cette Freud aussi a se donné pour tâche de réduire la partie de l'inconscient pour renforcer le moi. Mais finalement, aujourd'hui, justement, cela est arrivé d'une manière perverse, justement, parce que, évidemment, cette, cette découverte de l'inconscient existe surtout donc à des fins extrêmement commerciales. Donc on pourrait même dire, ce n'est pas Freud finalement qui a gagné, mais son neveu, donc nous avons déjà cité l'autre fois, donc qui avait enseigné donc comment tirer donc un usage commercial donc de jouer sur l'inconscient. Et donc je laisse le reste parce que je veux juste terminer avec deux observations critiques sur encore sur Dufour. Nous l'avons souvent dit, donc c'est vrai, le capitalisme est une révolution anthropologique qui, de certaine manière, risque de saper les bases même de toute forme possible de socialité humaine. Mais justement, donc je pense que Dufour, comme les auteurs, pareil, ils se trompent complètement lorsqu'ils pensent que cela n'est un fait des 40 dernières années qui a rompu avec une modernité qui, au contraire, aurait encore été une époque de... Tandis qu'en vérité, l'époque libérale n'est pas une rupture avec une époque des Lumières où existait un sujet fort qui dominait son monde, mais au contraire, dans la perspective que moi je propose, l'époque néolibérale n'est pratiquement que la phase la plus extrême qui a porté au jour ce qui était toujours contenu dans le cœur même de la société capitaliste déjà à partir disons, du 17e siècle, effectivement, qui était déjà présent lorsque l'argent est devenu le moteur de la production matérielle et lorsque Descartes avait déjà annoncé le sujet solipsiste et un sujet vide, coupé de son monde. Mais donc ces tendances, donc, à peine donc des siècles, donc, sont restées mélangées encore d'une espèce de contenu concret qui venait des sociétés précédentes. C'est pratiquement la phase néolibérale n'est pas une rupture avec avec la phase précédente, mais pratiquement seulement sa radicalisation lorsque justement la valeur pratiquement commence à régner souveraine, pratiquement sans plus être mélangée à une substance. Et voilà aussi pourquoi le narcissisme, qui a toujours été au cœur de la mentalité capitaliste, est devenu simplement souverain lorsqu'il ne voit plus, lorsqu'il s'est affranchi de la névrose classique, qui de certaine manière était le produit d'une société répressive, qui également était d'une certaine manière encore l'expression d'un capitalisme imparfait. Lorsque le capitalisme est parfait, en vérité, il n'a pratiquement même plus besoin de répression extérieure. Bien sûr, il n'aura jamais ce degré de pureté, mais c'est sa tendance. En un sens, ce n'est pas une rupture, c'est une accélération. Oui, exactement. Et l'autre question, mais là, on ne peut pas maintenant plus en discuter. Alors, Louis Dufour, il parle d'une pléonexie, donc une espèce de désir d'avoir toujours, plus, d'avoir le... qui selon lui serait naturel à l'être humain depuis la naissance, et justement la culture a le rôle de imposer des limites à l'être humain. Donc là d'ailleurs il ne discute même pas, là il semble être donc ce caractère et d'une certaine manière illimité des pulsions spontanées semble pour lui un dogme. Là en vérité on pourrait en discuter parce que même le regard anthropologique sur d'autres cultures pourrait nous en faire douter. Donc peut-être cette idée que l'être humain est toujours avide, l'être humain veut toujours avoir le plus de jouissances possible et peut-être quand même également déjà aussi le fruit de la société moderne au moment de certaines formes de culture. Par exemple, justement, des sociétés étudiées par les ethnologues démontrent que la richesse, beaucoup de sociétés, n'est pas un but en soi, nous l'avons déjà dit, et plutôt que la richesse matérielle est souvent plutôt au service d'une recherche du prestige. La recherche du prestige est beaucoup plus fondamentale dans beaucoup de sociétés. Et même cette idée que l'être humain cherche en permanence une satisfaction sexuelle partout également, je pense qu'on ne trouve pas toujours de confirmation dans l'ethnologie, dans beaucoup de sociétés ethnologiques, donc les sociétés en général, la sexualité a sa place, évidemment, importante dans la société, mais qui reste quand même assez limitée et qui ne tente pas à déborder dans la vie tout entière. Et là, pour une fois, je peux terminer. Je cite en mémoire une phrase de Roland Barthes, auteur pour le reste assez maltraité par Dufour. Justement, de Barthes disait, après un voyage au Japon, je crois qu'on s'est dit, dans l'Occident, la sexualité n'est pas dans le sexe et dans tout autre part. Au Japon, au contraire, la sexualité est dans le sexe et nulle part ailleurs. Mais donc, je ne sais pas si c'est vrai par rapport au Japon, mais quand même, ça peut nous faire réfléchir, effectivement, sur les limites de la conception occidentale de l'être humain. Donc, même cette idée que les pulsions ont tendance à remplir tout l'espace possible si on ne leur pose pas très tôt des limites, c'est sûr que vrai aujourd'hui, donc, dans l'Occident, après le siècle, justement, de la... une société capitaliste, bah, je serais un peu plus prudent à attribuer cette caractéristique à toute la société possible et à faire une espèce de nature humaine. Mais si vous voulez encore, je pense ici, personne ne va nous chasser. Hein. Alors on devrait de toute manière se revoir dans deux semaines, en changeant un peu de sujet. Donc.